Eh hey, les gars, oh j'ai un sale son à vous faire écouter, enfin à goûter, vous avez bien compris. Ok, ok. Envoie du seum, c'est pas de la com. C'est le 83 qui débat. Ça fait welcome. Bienvenue dans le 83, là où tu peux te faire cric ou planter. Si tu te tiens pas droit, si tu balances, tu as droit. Si tu carottes, tu as dry. Si tu peux pas test, regarde comment elles ont noir. Si nos cernes, on choisit pas nos gènes. Même nos amis tous moisis par l'oseille. Ici on crie aux armes avec un gros pétard aux herbes. Petit dédicace au cerf, y'a pas le tarot dans les recettes. Merci pour l'arme qui est cachée à côté de mon sub. Je l'avais bien dit, fallait pas t'écarter du cercle. Demande à Bossa, UVSS c'est la patate du siècle. Tu t'y feras pas un poteau si t'es un mytho. Les rappeurs vendent leurs mots et pas de la coco. Comment? J'ai entendu qu'il y avait des homos. Je les baisse tous, quitte à bouffer des pâtes au toto. Écoutez mon son, c'est comme goûter à mon sperme. Je rappe même pour les petites salopes, mais pas pour les petites pédales. Sortez Toulon, tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSR pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la somme. Sortez Toulon, tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS pour rapper pour la sorte. On t'envoie du seum pour tous les faux qui calment à la fin. Sont sortis tout droit de la Provence, de la province. Pour les frérots de la capitale qui pensent qu'ici y'a des MC trop minces. Un rap bien sorti de l'adolescence. Tu peux être triste en bord de merde. Mais ta bossa qui sort de merde, Toulon. Putain de ville étrange, dans une petite ruelle crade. À tout moment on t'étrangle. Mais pas là pour jouer le gangster, le rap c'est bien plus que ça. Du temps, du talent, des pros sortis d'un lieu plus que sale. Plus que ça, de beaucoup trouvent du réconfort dans une feuille OCB. J'trouverai peut-être nos tueries dans une foire OCD. Sur le marché du soleil ou du cours Lafayette. Si merde les gars pour mon costa, tomber de la camionnette. Leur sel, certainement pas la recette. On le sait, mais c'est toujours mieux que de faire la pute en ricile. Dans l'affaire la pute pistil qui postiche, moi j'postille. Oh le saumon de la nuit qui découvre les sex shops. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la somme. Vient tout long. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la croque. Hello, je viens m'introduire dans la musique. Je travaille mon flow, j'sais faire des phases et j'ai le sens de la rythmique. Mais ça veut rien dire, pour vous c'est banal. Comme pour un singe, manger des bananes. Donc le message, c'est que je vous encule. Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible. Et je suis très en colère. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Pas quand il y a des injustices. Vous passerez tous au karcher, Starfallah, et qu'il protège nos mosquées. Avant de mourir, je compte me purifier. Car on n'est rien sur terre, c'est la conviction que je respecte. Je m'efforce de jouer un rôle comme dans Usual Suspect. N'écoute pas les curieuses commères qui m'inspectent. Y'a trop de vérité dans ce que je dis, donc respecte. Respect, ça vient tout long. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS, là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la. Ça vient tout long. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS, là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la croque. J'ai fait une pause, mais t'inquiète, feu rouge, mets la dose. Pélo, tu vas se faire le killer au mic. T'es un cave et même pas cultivé. Rien dans le cerveau, vendre du shit à 50. Mais quelle horreur. En plus dans ta carrière t'as l'air vraiment motivé. Si tu veux changer de voix, ben va falloir s'activer. Y'a le bien, y'a le mal, mais tu fais bien le mal. Tu te sens en danger, t'es athée et te mets à prier. Tu sens attaque pas sans fin. À la mosquée tu veux même t'enquiller. Tu t'es même moqué du tout puissant. Toi qui croyais qu'il y avait que le route puissant. Ce que tu sais pas c'est qu'au jugement dernier tu seras glissé en enfer. Et tu pourriras en bas et pourras faire tes affaires. Quel calvaire, le mieux frère. Écoute nos vers, elles te feront voyager. Nous le pain quotidien c'est le partager. Ça vient tout long. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? Des choses à dire sera ta somme. UVSS, là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent. Ça vient tout long. Tendance à d'ici jusqu'à ta zone. Tu croyais quoi? T'as des choses à dire, ce rap ta somme. UVSS, là pour rapper pour la somme. On t'envoie du seum pour tous les faux qui carburent à la croque. Parlez-moi de votre zone, parlez pas sur votre phone. Parlez-moi, ouais, d'autres phones. Ici c'est la flore ou ça raflore ou ça raffole. Le fric gagné par la fraude, ouais. Mec, dans mon jardin y'a pas de fleurs. Dites-moi pourquoi elle fan. Tour de la tombe de mes vieux, eux deux heureux. Et moi sans eux peureux, avec une bombe, ça tremble dans mes yeux, ouais. Si tu savais comment ils mentent. Mais serein, je reste de la vie meringuée. Coup de dose de ma seringue et j'injecte du lourd ou du maigre, c'est comme tu veux. C'est Nourbé de la tourbée ou Gilles Vinaigre. Au fait, c'est quand tu veux que je te baisse ta race. Kevin de la ville, faut que tu t'arraches. Évite-moi sur ton passage et devine qui viendra défouler sa rage. Petit, je reviens à la marge et dernière phase, fils de épuise. Ça vient tout long. Tendance à